Dédicace Mike, Phil. Yo. Merde, il faudrait un hit. Yo, tu vas faire du rap, Mike. Thank you. J'essaie de faire la basse là-dessus, j'enregistre.